Des mains vides. Je fis un rêve. Un homme se présentait devant Dieu et disait « Regarde, mon Dieu, j'ai obéi à ta loi. Je n'ai rien fait de mauvais ni de mal. Seigneur, mes mains sont pures. » « Sans doute, disait Dieu, mais elles sont vides. »